excellent réveil à vous sur les ondes de Radio Campus 92.2 et de Radio Mulhouse MNE. Excellent réveil à vous, nous sommes déjà le vendredi 9 février. Bon réveil et nous fêtons aujourd'hui les Apollines ou Apollina ou Apollina ou Apollona ou Apollonia ou Apollonide ou Apollonie ou Polonie. Je m'arrête là, surtout n'allez pas fêter les Paulines, hein, parce que c'était le 11 janvier, et n'allez pas fêter non plus les Apollinaires, car ça va être le 12 septembre. À la Sainte Apolline, bien souvent, l'hiver nous quitte. Bon, j'espère un petit peu de douceur et de soleil en ce vendredi, ça a l'air d'être mal barré, mais bon, on y croit quand même, hein. Ah ok, d'accord, il va pleuvoir toute la journée. Bon, ok, on va voir. En attendant ici même, 29 minutes et quelques secondes pour vous offrir le meilleur de la pop et de la chanson française en nouveauté. Quelques sucreries glanées ça et là sur le net. Bien évidemment, la battle entre Mulhouse et Dijon pour la plus belle soirée du week-end. Et on sera déjà bien, on sera déjà très très bien pour accueillir Réveil Campus de 8h à 9h, Emma et Morgane. On débute bien évidemment par une nouveauté. Une nouveauté avec un album qui va certainement être album de la semaine sur campus. Il va d'ailleurs être en concert à Dijon. Il s'appelle Isaac Delusion et le morceau Que pour toi. Bon réveil à vous, un petit peu de douceur, électropop, avec le dernier album de Isaac Delusion. S'appelle Isaac Delusion. Il sera en concert à la vapeur le jeudi 7 mars prochain. Ouverture des portes 20h30. Concert gratuit d'ailleurs si vous avez la carte La Vapeur. A noter, le tarif est de 23€ actuellement en pré-vente et bien évidemment 5,50€ avec la carte culture. Isaac Delusion, c'est quand même 3 ans de silence avant ce 4e album inespéré qui est sorti la semaine dernière tout simplement. Groupe fondé en 2012, hein, survivant d'une scène française 2010 influencée par les groupes anglo-saxons. Quand on voit un petit peu ses influences à lui, ça me fait rêver. Hein. Phoenix, entre autres, Sufjan Stevens et la folk angélique de Angelo De Augustine. Bref, du lourd pour ce Isaac Delusion, qui est très influencé par la pop anglo-saxonne, la pop électro très tendance du moment. À noter en première partie pour le jeudi 7 mars à la vapeur, The George Kaplan Conspiracy, nos Dijonais. Le duo Dijonais pop électronique sera quant à lui en première partie, donc une bien belle soirée le jeudi 7 mars à la vapeur. Donc je vous l'ai dit, en pré-vente actuellement c'est 23 €, puis allez me jeter une oreille sur cet album de Isaac Delusion. Et moi j'ai retenu pour cette matinale le morceau Que pour toi, bien évidemment il est chanté en français. Je ne suis là que pour toi. Changement d'ambiance avec un certain Dominique A. Un dimanche d'hiver, fin d'après-midi, je marche dans Paris. Je marche dans Paris, le long de la Seine, quartier de Bercy. La brume et la nuit montent sur Bercy, et en moi aussi. D'étranges souvenirs d'avant ma naissance soudain m'envahissent. De grands entrepôts ténébreux, hostiles, dans l'ombre grandissent. Là, pendant la guerre, marché noir combine micmac et trafic. Là, pendant la guerre, agent double et triple, filature et flic. Mon père venait là, par-dessus froissé, regard de côté. Hagard et perdu, il venait ici retrouver son souffle. Penché sur la Seine, comme si l'on pouvait noyer ses pensées. Perdu dans la brume, perdu dans la nuit. C'est un des tout derniers projets de Monsieur Dominique A. D'ailleurs, le nom du projet s'appelle Memento. On retrouve Dominique Anné, qui est entre autres Dominique A, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva, Sacha Torop et Jean-François Mondo. Memento, c'est un nouveau projet collectif donc, qui réunit les Dominique A et tous ses copains. C'est inspiré librement de l'œuvre de Modiano, entre autres, et c'est les textes de Jean-François Mondo. Et Dominica est tombé complètement amoureux de ces textes, donc très influencé par Modiano. Et il s'est dit, allez, on va créer quelque chose, on va se mettre en studio et on va essayer d'en faire un album. Ça a été fait en très très très rapidement, en une semaine même pas, ils ont claqué 12 titres. Et finalement, bah, ça va sortir. Ça va sortir quand? Ça va sortir la semaine prochaine, le 16 février, sur le label La Buisson. Voilà, et également sur les plateformes numériques, bien évidemment. En digipack, sur CD, tout la totale. Une pochette assez sombre, assez douce. Allez mettre une oreille sur les quelques extraits qui sont disponibles sur ce projet qui s'appelle donc Memento. Vous êtes comme moi, fan de Dominica. Vous allez retrouver sa voix et ses ambiances pour ce lever de soleil ici, à Dijon et à Mulhouse. Allez, on laisse tranquillement s'arrêter Memento, se finir ce morceau très court hein, qui ne faisait que finalement 2 minutes et 25 secondes pour enchaîner avec la cover. Pas simple du tout ce matin la cover. Un grand monsieur de la chanson française. Danse autour de la terre, libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air, léger comme le vent qui danse dans les orbes, ou le matin bateau qui danse sous la vague. Sur l'air, sur une table de bistrot, à l'ombre des tavernes, viens laisser-toi porter par toutes, par toutes les musiques qui sortent d'un piano ou d'un vieux tourne-disque. J'avoue, c'est pas simple du tout ce matin de retrouver l'original de monsieur qui s'appelle Bachar Mackhalifé, qui est un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste franco-libanais, qui est né le 13 d'ailleurs février 1983 à Beyrouth. Je vous laisserai faire le calcul pour savoir l'âge qu'il a. Et je suis tombé sur ce morceau danse, musique de fête, volume 2, et je suis tombé amoureux de ce morceau, et je me suis dit, mais c'est très très bien écrit, mais... incroyable, c'est lui qui a créé cette chanson, qui a écrit cette chanson. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une cover de qui ? De Monsieur George Moustaki. Eh oui, George Moustaki qui est lui décédé, on vous rappelle, le 23 mai dernier, 23 mai, pas dernier, en 2013 à Nice, qui était un auteur, compositeur, interprète d'origine italo-grecque. Il est aussi artiste peintre, écrivain et acteur, et donc il avait fait cette chanson. Et Bachar Mackhalifé, je pense qu'il l'a entendu beaucoup lors de sa jeunesse, il a voulu lui rendre hommage, et donc il nous a fait cette reprise un peu électro, parce que lui, normalement, il navigue justement dans ce mélange oriental électro, mais très moite, très lent, avec un BPM qui va pas très très vite, voilà, le battement par minute, c'est très lent, c'est très suave. Et j'aime beaucoup, voilà, Danse, musique de fête, volume 2 de Monsieur Bachar Mackhalifé. En ce vendredi matin, pour vous réveiller tout en douceur, ici même, vous écoutez sur les ondes de Radio Campus et de MNE, vous écoutez le Before de Mr. B. Et le vendredi, c'est pop et chansons françaises. Danse comme l'on vit, danse comme l'on est. Retour à la nouveauté avec un certain Bernardino Feminielli. De la bouche à la culasse. Oui, c'est bien le nom de ce morceau. De la bouche à la culasse. L'amour à la chaîne de funérailles. Elle était si belle dans son cercueil. Tirage au sort, des comptes à rendre, une mort subite, conversation sans suite. Les maisons ont fermé leurs volets. Gina se regarde dans la flaque d'eau. Ce reflet rappelant le folklore de la fille du ruisseau, lucidité consume, peinture de mœurs à l'état pur, feu de paille illusoire passionnel, blonde de l'est, bouche en cul de poule, j'enfonce le clou, elle sent bonne les gitanes, avis de qu'on appelle chanson à tiroir qui part dans tous les sens. C'est le nouveau single de Monsieur Feminielli. J'entends des cris et qui regarde ce gros fusil. Une chanson coquinette, on va dire ça comme ça, érotico au fanatisme sensuel qui est sorti à Noël. Petit mot d'amour à la fin donc. Un préliminaire à son prochain album prévu pour le printemps, ce Canadien Bernardino Feminielli donc. Il faut savoir qu'il s'est entre autres entouré de certaines mélodies d'un certain encore Forever Pavot. Et puis voilà, il aime la France, on va dire, coquine des années 70. Voilà, il aime bien ses chansons un petit peu olé olé qui partent dans tous les sens, des chansons à tiroir. Et voilà, à noter donc, de la bouche à la culasse, Monsieur Bernardino Feminielli. Allez, on va enchaîner ici avec peut-être la battle entre Dijon et Mulhouse. Quelle est donc la plus belle soirée ce week-end à Dijon et à Mulhouse? Sachez qu'à Mulhouse, ce samedi soir, vous aurez au Nouma qui aime explorer depuis 30 ans toutes les facettes de la musique, et bien ils nous disent qu'ils vont faire une soirée expression dub, samedi soir au Nouma donc, avec une pléiade d'artistes régionaux, des 4 dubs Sound System, entre autres en warm-up, et puis après il y aura du dub de Stefford, et puis il y aura les légendaires Pila et Anti-Bypass, sous la bannière de leur union Dub Addict Sound System. Plein de personnes que je ne connais pas du tout pour cette soirée dub donc, qui se passera le samedi soir au Nouma du côté de Mulhouse de 20h nous dit-on jusqu'à minuit et demi. Voilà, vous savez, du côté de Mulhouse, si vous aimez le dub, où il faut aller, c'est au Nouma. À Dijon, je ne vous parle pas du festival Souffle, hein, on a déjà longuement parlé ici sur les ondes de Radio Campus. Je m'attardais plutôt aux tanneries. Tiens, aux tanneries pour une soirée Le Nucléaire, ça fait genre, et oui, avec un programme qui va nous faire rire, qui va nous faire danser, et on va apprendre des choses sur donc le nucléaire. C'est une soirée où il y a de la cantine, du spectacle et de la présentation des luttes contre le nucléaire. Entre autres, il y aura une comédie musicale participative qui s'appelle Nuclé. R-A-I-R, eh ouais, tiens, le salon de coiffure mondialement connu. Eh ben, allez savoir, en tout cas, ça va être un mélange entre donc salon de coiffure et nucléaire, donc. Et également, à noter, un quiz centrale nucléaire ou famille nucléaire, c'est le quiz irradiant, qui durera 40 minutes. Et il y aura également des DJ sets à la fin, DJ set Nushin pour de la froid-house, DJ set Salgos et DJ set Tompton et Mama pour du reggaeton techno. Tout ça, c'est aux tanneries. C'est à partir de 18h30 jusqu'à 2h du matin. Le prix est bien évidemment libre. Et les tanneries, vous savez exactement où c'est. Je ne vais pas vous le rappeler. Voilà, le nucléaire, ça fait genre. Si vous voulez rigoler et avoir une soirée un petit peu engagée, eh ben, allez du côté du tannerie pour en apprendre plus sur le nucléaire et rigoler et lutter contre l'invasion du nucléaire. Voilà, vous savez tout. On va donc s'écouter un petit morceau qui nous parle d'écologie. Bah oui, ça serait plutôt pas mal pour illustrer un petit peu tout ça et pour illustrer cette soirée nucléaire, donc, du côté des tanneries. Ça fait bizarre de dire soirée nucléaire, ouais. Bah bon, enfin bref, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, finalement. Alors on écoute Écolo Asico des Frères Smith sur les ondes de campus et de MME. Allez, on se réveille. Ah oui, il est déjà 7h54, il reste 6 minutes avant 8h. Avant Emma et Morgane pour Réveil Campus qui accueille les Sparses. C'est les frères Smith donc avec le morceau Écolo Asico avec le Izem Remix. Alors Izem, c'est tout simplement un DJ producteur qui nous vient du Portugal, précisément Lisbonne, ouais, rien que ça, la capitale. Et pour le coup, eh ben, il remixe donc ce morceau des frères Smith et leur sublissime Écolo Asico, voilà. Une guitare afro-tropicale avec des trompettes, tout ce qui va bien pour bien danser, bien se déhancher et se dire que ce soir c'est samedi soir et ce soir on a envie de danser, oui, des cuivres, des rythmiques saccadées, bref, on a envie de secouer notre corps en ce vendredi matin. Et sachez qu'on se retrouve ce soir d'ailleurs chez Wiz & Love, je fais jamais la promo, de 19h à 21h avec mon ami Régis Saint-Amour pour vous offrir quelques perles également de dance floor. Voilà, sachez que je vous ai récupéré également en cours de route que cette émission est podcastable, je vais y arriver, excusez-moi. Alors peut-être pas sur le site de Radio Jean Campus, mais néanmoins vous le retrouvez sur Deezer et Spotify. On fait de la résistance et le podcast est disponible. Vous tapez Before Mr. B et vous tombez dessus normalement. Voilà, allez, on se réécoute encore un petit peu ces frères Smith quand même, Écolo Asico avec le Izem Remix. C'est pas du tout rigolo, Écolo Asico, touchez pas à mon magot. On entend un cri de cœur. La fracture sociale ne fait que s'agrandir. Les peuples opprimés sont noyés dans un panier en grave et s'appliquer. Je vous laisse avec les Spars qui prennent le contrôle de Radio Dijon Campus. Je les salue bien bas, même s'ils ne me saluent jamais. Et également, je souhaite une excellente émission à Emma et à Morgane. Une vraie question à Morgane. Je suis très inquiet. La Starac s'est arrêtée samedi soir dernier. Je sais qu'elle était ultra fan de la Starac, mais que va-t-elle faire le samedi soir maintenant? Que vas-tu faire, Morgane, le samedi soir, alors qu'il n'y a plus la Starac? Je suis vraiment inquiet. Toujours plus loin, toujours plus fort. Toujours plus loin, toujours plus fort. Toujours plus loin, toujours plus fort.